Le costume fait de toi quelqu'un de respectable. Pour toi, le monde se doit être rentable. Tu brasses l'argent et reçois des dessous table. Ton chemin est jugé de péchés innombrables. Tu as commis les crimes les plus innommables. On a vu en Afrique de quoi t'étais capable. Tu leur as volé jusqu'au moindre grain de sable. D'abrutir les gens, tu formates aussi les rêves des enfants. Tu vends des chimères, du sexe et du sang. Tu décides et maîtrises l'espace et le temps. Tu fabriques des produits qui rendent dépendants. Tu manipules, tu simules et aussi tu mens. Tu assassines à petit feu impunément. Tout ça pour ramasser un tout petit peu plus d'argent. Des décors magnifiques. Tu possèdes plein de pouvoirs technologiques. Tu régis le monde grâce à toutes tes tactiques. C'est toi qui encenses ou bien qui critique. Ta voix c'est la télé et tes mains c'est les flics. Tu décides de tout, argent, culture, politique. Tu es le roi d'un monde devenu tragique.